Docteur Jeff Njadil était un don de Dieu. Mama Thérèse Mpala, Marco Kakila, Paolo de Souza, Papa Joseph Wemambolo, Dorifem Koye, Judith Esale, Patrick Djonga. Présence à moto connaît bon moi na kamakalao. Y'a affection de comme ça amoureuse. Ba tendresse bilinga mi souhaite à la gueule. Soka eko disparaître nango. Et disparaître le teta. Avec sa miling évaporé. Jali. Souci l'okola mon coco lima sangamaï. Soki oluki kwiti okoli sinzete. Y'a bambou ma ba regret. Ba fruit à bangwase. Grâce à Tamboya. Moto à la lena sende à kwea katou. Naïte mouya makani si le tétan jadi ho tindiki ngai. Na libula ba souci na ba déception. Na mote mesa y sans ngai. Na komo zika mon amour. Freddy Tiro Katima. Medo Kambela. Lime tétamouni libanga na place à l'osso. Sanya boli mweto na ba surprise. Lelo ma chariko lo bizelo. Matama ya mototu epeza kilo. Ya ba larme. Mami odia ilunga tangelo. Jadi le teta hey. Ralph ngindu noemi mbangwe. Et hey, surtout kindu mamo baliba ibarango na bie Mateo. Ata la titro pye se to parazin. Nzoka chukuma monene na butu. Wala tichu na baby mwana malamu. L'apparence est compèse. Nyoswe nga kawolo te jadi le tetaje. Rania Aisla, Kriki Nama, Edo Tsotsa, Trésor de Lumbwe. Motema nangai jadi le teta. Dedie na biso. Pourquoi tu m'as fait ça? Bolingo nangai opese paya moto apusu. Alokota abwaka engae. Pourquoi tu m'as fait ça? Virginia Amarula. Pourquoi tu m'as fait ça? Nade moti na orjina. Pourquoi tu m'as fait ça? Chuke lomboto. Titi Chibola. Fader Mabula. Papi Kululae. Conflit à vérité, comme ça qu'on mire à l'opango tableau. Pas commencer de parcelle, pas à vendre. Des paraboles, mon nom, souci à combiner, l'inangaï. Batanga, mawana, en crapinzol, inanga. Absence à mouvement, et c'est conflit. Na vilangaï, jadi le teta, papa na kenaya, jadi, jemi, jadi. Sylvie, il n'a les Londra. Président comme la ville Sambolo. Oli le tia kamiso koko so kasimato yiteo. De mes écoules de l'armée, pomo teme bungisi. Absence à mouno, oh oh, d'Angola. Et surtout que, et de panakana, oh, Jean-Jacques Moutoale. Héritier Kankon de Boss H. Mimi Chemantingo. Poti koka moi, pourquoi n'est-ce pas pleuré? Naza, président Kasia Bolingoteo. Na sape na ba sentiment o ya nzoto. Thierry Gola papa na Myrone. Charlie la page. Yuliste ya bele la ki na concert. Bomo na ye yu mate bo li mwe betie. La moulu yeah. Chico ma bele man opérateur économique. Na komi o banga libana. Bona koyoka ba sango e. Pardon matiki over. Pourquoi yo sali bomo? Pourquoi tu m'as fait ça? Le tétan jadi. Pourquoi tu m'as fait ça? Bissé la mer, soko tchango na chambre froide. Babé nga wo vivre frais. Bana dire na bolimono. Nozo koutana na bambanda. Babo tanga mbala moko. Kasinga na limisa yon mbala sa. Blandine et Tondila Abraimovic. Ba débloqué coffre fort na nga. Ba timbe li trezo caché. Nga ye wana so koufa pauvre. Bango baso duna na bolimona. Eliane Smith. Le Chapindi. Palsuri ayemba kalasi mazonga moto osi bolingo nangai opese paya moto apusu alokota abwaka emae. Pourquoi tu m'as fait ça? Motema nangai jadi le teta. Docteur na biso pourquoi zongisa motema simae. Pourquoi tu m'as fait ça? Na tone wilika yeme bolela ye atika ngai na bala. Thérèse Bilou. Lelo ya lobi ya blani tonila. Lelo ya lobi ya docteur Beteta. Docteur Yves Kabemba. Docteur Papi Yokai. Namokili Touré Touré. Lelo ya lobi ya moninga dodo wesh. Ipo Senga. Lelo ya lobi ya dudu kamalantwa. Trésor Ilumbo. Ça va les toucher, pourquoi tu m'as fait ça? Papi Seven, Adolphe Kabongo. Yada Dangwabana, les patriarches. Indira la brésilienne, Nareto Mila, pourquoi tout ça? Jonas Ominga, président Lange, papa na Eva. Chris, Awanza Junior, Bois de nuit, Cléopâtre à Brazzaville. Bérard, le prince des amours, la fille sans qu'elle est le général. Manik, c'est un pouki, cash money. Freddy, nomala irlandais. Fanny, star. Double et tout, tout, tout, tu boulaye.